Toujours à l'occasion du 9 septembre, les permanentes et membres de l'Union des femmes ont livré le vide sur la place de l'Arc de Triomphe, le bal commémoratif. Elles ont dansé à la mélodie des chants « Je serai une étoile suivant notre parti », que le drapeau tricolore de notre République flotte et nous irons en Mombectou.